On fait cette merde, mon enfoiré, les disciples sont enragés. Je fais cette merde, mon enfoiré, les disciples sont enragés. La secte avec un Z, mon enfoiré. L'usine avec un Z, petit lumière. On fait cette merde, mon enfoiré, les disciples sont enragés. Je fais cette merde, mon enfoiré, les disciples sont enragés. Cousin, grave un Z de plus dans ton alphabet. Cousin, grave un Z de plus dans ton alphabet. Cousin, grave un Z de plus dans ton alphabet. Cousin, grave un Z de plus dans ton alphabet. Je veux autant de zéro sur le chèque que sur le bulletin. Je sais d'où je viens, contrairement à ce mec sorti de la chenec d'une putain. Gros, y'a pas de surhumain, tout le monde saigne au bout du surin. Je boxe l'instru comme un cubain, j'ai un cubain. Mortel virus, je dois le délivrer dans l'anus. De Miley et Cyrus, souffrance l'illustre. J'ai la maille selon la taille de leur sinus. Laisse les rageux sous la bribus. J'ai drive-by en Nautilus. Hadouken comme Ryu, je nique tout comme Big Notorious. Je suis dans la ville, la vie c'est pas Hollywood. Je leur ai ramené de la weed alors que ces fils de pute fumaient la pelouse. Je suis à la recherche d'un grain de sable dans un paquet de semoule. Je veux être riche, ne plus avoir d'inspi comme Jamel Debbouze. Tu crois qu'on blague? Tu crois qu'on blague? Tu crois qu'on blague, fils de pute? Tu crois qu'on blague? Tu crois qu'on blague? Tu crois qu'on blague? Tu crois qu'on blague, fils de pute? Tu crois qu'on blague? Je te coupe le bras, mes tripes de tabac, ça sent la patate. Renoir à la pommade, ils veulent tous me passer la pommade. Touche pas à mon jack, touche pas à mes chattes. J'en vois que du sale, vos MC décale. Je baisse tout quand c'est calme, oui je suis polygame. Oui j'aime trop les femmes, me contrôler c'est retarder ma mort. Ton marabout peut pas me jeter un sort. Et je fais très peu d'efforts. Et j'ai des soucis dans la tête, pour ça que je vide la tête. Je veux faire du miel comme une abeille. Y'a ceux qui parlent, y'a ceux qui bégayent. On connaît tous un Sergueï. J'ai plus de rime en hey. Dites la préfecture de Créteil. Évidemment, évidemment qu'on est les meilleurs. Je les vois plus les outsiders, ces fameux kickers. Voici la rigolo. Secte réunion, fils de pute, t'as pas le niveau. Ouvre ta bouche, t'enfonces la tête dans le caniveau. Je fais mon truc ouf, rien à foutre. Fabrique des pièces maîtresses. Toutes les têtes de cul n'ont aucun mal à écarter les fesses. Je vais faire mon beurre, vendre mes albums. Bim, comme un coup de magnum clean. Je vais tout prendre, tu peux vider la caisse. Ils savent pas chanter, même avec une voix de robot. T'as les biscottos à crocop, mais t'as pas le sirop poteau. Je vais briser le damier, décapiter la pyramide. Péter mon blunt, passer la nuit avec une fille facile. Je vais pas me prendre la tête, façon ils savent pas rapper. Y'a pas de contrat dans le tiroir, mais y'a un truc sous le canapé. Retiens bien la dernière lettre de l'alphabet. Va faire un selfie sale fou et reviens me voir après. Merde, quand vient la police, on sait que tu cours. T'as vendu trois barrettes, fais pas le mec. Avec la haine qu'on sème, nous vivons extrême et la vision. Si j'entre dans les détails, j'en sors avec une peine de prison. Tel est mon dicton. Devant le policier, je sors une vérité modifiée. Comme les médias à la télévision. J'ai beau trapper ma vie, tu la connaîtras jamais. N'insiste pas, j'existe pas. Une éclipse quand j'apparais. C'est pas la peine de me sonner, je veux que faire la fête au soleil. Je visque la tête ou le sommet, jette pas la fenêtre, mon sommeil. C'est autant me dire que je chafrave comme un chinois, ouais. Si ça marche pas, je fais comme papa, je vide les tiroir caisse, fais pas la resta, fais pas le patron, t'es comme n'importe quelle patrouille. T'as juste le bras long mais t'as pas de couilles. La faune brûle, ça reflète dans mes iris. La vérité fait mal au cul, c'est pas la faute de mes lyrics. Jusqu'à la vie, que Dieu nous bénisse. On leur fera bouffer nos dix jusqu'à ce qu'ils périssent. Cousin, grave un Z de plus dans ton alphabet. Cousin, grave un Z de plus dans ton alphabet. Cousin, grave un Z de plus dans ton alphabet. Cousin, grave un Z de plus dans ton alphabet. Prends mon lyrique dans la bouche.